sans en rien souffler à personne, par une porte du jardin, laissant là-bas sceptre et couronne, je me suis sauvé ce matin. Maintenant, je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je viens, je me faufile, je viens, je me faufile, je viens, je me faufile, incognito, incognito, incognito, incognito, à que mon âme s'en irait, si pour se distraire il avait l'incognito, à que mon âme s'en irait, si pour se distraire il avait l'incognito. Je puis me le dire à moi-même, aussitôt que je suis lâché. Ce que j'aime là, ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché. C'est de prendre la taille aux dames, et fringant comme un diable autour. C'est d'aller chez les petites femmes, chez les petites femmes, chez les petites femmes, incognito, incognito, incognito, incognito, à que mon âme s'ennuierait, si pour se distraire il avait l'incognito, à que mon âme s'ennuierait, si pour se distraire il avait l'incognito. La jeune indienne, tu vois Fatma que je suis ton vainqueur, mais ma vertu doit respecter la tienne, et ce respect ramène mon ardeur. Va dire enfant à la tribu sauvage que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, a pour devise abstinence et courage. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé quand on est espagnol. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé quand on est espagnol. Ce discours, la jeune indienne émue vers son vainqueur soulève ses beaux yeux. Elle pâlit mais chancelle à sa vue, car il lui plaît ce soldat généreux. Un an plus tard, gage de leur tendresse, un jeune enfant dort sous un parasol, et ses parents chantent avec ivresse. Toi-même, que cela ne

Et si mon œil était grillard, il ne faut s'en étonner car je suis un peu grise, un peu grise, mais je ne faut pas qu'on le dise, chut, faut pas, faut pas, chut. C'est un ange, messieurs. Dites-moi, je vous prie, ce qu'il faut que je fasse. Enfant, je te marie. Qui? Moi? Jamais de la vie. Vous vouliez tout à l'heure. Vous vouliez tout à l'heure. Oui, lorsque j'avais faim, j'ai dîné maintenant. Seigneur, j'ai dîné maintenant, Seigneur, c'est autre chose. À votre souverain, vous osez résister. Je l'ose, je l'ose. Nous la décidons. Exhibons le pari, le voici, le voici. Ne sais à qui, ne sais à quoi. Donc, où diable est ma femme? Elle est là-bas au bout. Ne la voyez-vous pas? Je ne vois rien du tout, rien. D'écouter quelques mots disant particulier, d'écouter quelques mots disant particulier. D'écouter quelques mots disant particulier, disant particulier, disant particulier. Je dois vous prévenir, madame, en bon époux, en bon époux, que j'aime fort une autre femme, pas du tout vous, pas du tout vous. N'ayant pour vous, soyez-en sûr, rien dans le cœur, rien dans le cœur, rien dans le cœur. Je vous tromperai, je vous jure, avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur. Comme vous ferez, je ferai. Si vous me trompez, je vous le rendrai. Me trompez-vous? Vous verrez ça. Allons-y, qui vivra verra. Vous Je n'ai pas un bon caractère, c'est là mon tort, c'est là mon tort. Et quand je me mets en colère, je tape fort, je tape fort. Si la peur d'une tripotille ne vous fait rien, ne vous fait rien, ne vous fait rien, allons mais vous serez frottés. Songez-y bien, songez-y bien, songez-y bien. Comme vous ferez, je ferai. Si vous me battez, je vous le rendrai. Me battre, vous. Vous verrez ça, allons-y. Qui vivra, verra. De cérémonie, qu'on se hâte et qu'on les marie. On se hâte, on se hâte, on se hâte et qu'on les marie, qu'on les marie, qu'on les marie. Donnez-moi la main, cher Seigneur. Je vous la donne de grand cœur. Vous me paraissez un peu gris. Mais non, je sais que je le suis. Nous verrons tout de suite la mer, un adorable intérieur. Un étalon, un grand nombre de portes. Thank you. son sourire, son pied, sa taille et son maintien, et cet orgueil et nous le dire, peut-être n'en savez-vous rien. On l'a dit d'une heure douce et tendre, et rêveuse quand vient le soir. Et c'est vrai, mais pour nous l'apprendre, il faudrait d'abord le savoir. Que de cancans, que de sornettes, ah les petites malhonnêtes, ah. Et bonjour monsieur le mari, qu'avez-vous fait de votre femme? Si vous la voyez aujourd'hui, bien les compliments, bien les compliments, bien les compliments, bien les compliments, bien les compliments. Monsieur, je n'ose, d'ailleurs vous ne le savez pas. Tout ça le diable vous emporte, monsieur, si vous n'en savez rien. Mais ce que l'hymen vous rapporte, pour cela vous le savez bien. Que de cancans, que de sornettes, ah les petites malhonnêtes, ah. Compliments, bien les compliments, bien les compliments.